Ah, salut Olivier! Tu vas où? Salut Elodie, je vais à l'aéroport. Je vais à Marseille. Super! Tu vas à la plage? Oui, mais je vais aussi au musée, le nouveau musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et toi, tu vas où? Moi, je vais au cinéma. Bon voyage!